l'effondrement total, et l'énergie créera dans l'homme l'humilité parfaite, parce que l'énergie créera l'effondrement total de sa conscience planétaire, pour qu'il soit dans la conscience parfaite. D'ici à ce temps-là, l'homme se côtoie, l'homme doit se côtoyer, surtout encore plus aujourd'hui qu'auparavant, parce que déjà l'impulsion de l'énergie est donnée à l'humanité. Je veux expliquer un principe. Je veux expliquer comment s'opère la sélection vibratoire dans l'homme. La sélection vibratoire dans l'homme s'opère par le bombardement extraordinaire de la pensée sur son mental inférieur. Et lorsque la pensée bombarde le mental inférieur, l'homme, l'ego de l'homme, réagit à cette pensée. Plus l'ego est grand dans sa lumière invisible, plus l'ego est grand dans son potentiel total, plus l'ego est capable d'absorber ce bombardement de l'intelligence sur son mental inférieur. L'ego doit comprendre une chose concernant les lois de l'intelligence. Il doit comprendre qu'il doit être capable d'absorber les impressions multiples de toutes les sortes que verse en lui l'intelligence sur son cerveau pour désengager son intellect et son émotif, afin de pouvoir éventuellement développer la faculté de l'intelligence de l'intelligence. L'ego ne peut pas entrer dans l'intelligence de l'intelligence s'il gobe tout ce que l'intelligence lui imprime. Si l'homme développe un plan, un principe supérieur qui est le principe de la conscience supramentale, il doit comprendre que ce principe qui est en lui, qui est en voie de formation, est le lieu, est l'espace où se situe l'action du rayon en lui. Mais l'homme vit temporairement de ce plan, de ce principe qui est en voie d'évolution et à la fois en plus grande proportion d'un autre principe qui est son mental inférieur. Alors, lorsque le rayon s'applique sur le plan du principe supramental et qu'il se déverse ensuite sur le plan de l'intellect, il est évident que l'homme, au niveau de l'intellect, subit un bombardement et que ce bombardement crée en lui soit de la confusion, soit de la pression, soit de la fatigue mentale, soit de l'écœurement mental, toutes sortes de réactions que peut vivre l'ego dans son intelligence humaine. Et même si ces mouvements de l'impression du supramental vers le mental pour transmuter le mental et l'émotion est essentiel pour l'évolution de l'homme vers la conscience supramentale parfaite, il est important à l'homme de réaliser que cette condition qui lui est imposée par l'énergie est une condition temporaire, n'est pas une condition fixe ni une condition finale, mais elle est une condition de l'énergie qui entre en lui. Si l'homme peut en arriver un jour à se dégager de la valeur psychologique de ce conditionnement pour ne vivre que de la valeur énergétique de cette présence dans son esprit, il pourra facilement supporter le poids de ce conditionnement. Moi, je suis en fusion depuis des années, et lorsque je ne vis pas ce bombardement, je suis très bien. Mais lorsque je vis ce bombardement, ça me fatigue. C'est fatigant pour mon esprit. Mais je connais suffisamment les lois de cette énergie, de cette intelligence qui travaille, qui travaille, qui raffine, parce que les plans subtils de l'homme sont des plans, ce sont des champs de force. Alors, ces champs de force qui travaillent sur des champs de force inférieurs travaillent et travaillent et travaillent et travaillent et travaillent. Et ils travailleront jusqu'à temps que l'homme passe d'un plan à un autre. Mais l'homme doit un jour comprendre que ce travail qui se fait, que cette pénétration qui se fait, que cet emmerdement qui se fait en lui, parce que c'est effectivement un emmerdement, est une condition du mouvement de l'énergie dans son mental inférieur. Et l'homme devrait apprendre une fois pour toutes que ça fait partie de la psychologie de la conscience supramentale qui descend sur le plan matériel. Que ça fait partie du développement de cette grande intelligence dans l'homme qui est énergie et qui doit se manifester seulement lorsque tout ce travail a été opéré. De sorte que l'homme qui le réalise d'une façon concrète, qui le réalise d'une façon réelle, d'une façon instantanée, qui ne laisse pas son intellect ou son imagination faire avec ce matériel d'impression qui va dans son mental inférieur et qui crée une pression, l'homme qui ne s'en fait pas réussit éventuellement à ne plus en souffrir de ce bombardement. Et il y a des hommes parmi vous qui comprennent cette loi et qui sont encore des principes ou des piliers de cette évolution pour l'explication de la conscience supramentale sur la Terre, et M. Bessette en est un exemple. S'il y a des gens qui ont à comprendre et qui ne peuvent pas saisir ce phénomène, il y a des hommes parmi vous qui ont la capacité, parce qu'ils ont vécu l'expérience, pour expliquer ce phénomène d'une façon claire et nette. Chaque individu, chaque point de référence humain que je donnerai au cours des années aura une faculté d'expliquer quelque chose. Une faculté seulement. Ménard a une faculté. Bessette a une faculté. Chiasson a une faculté. Le type là-bas, dont je ne me rappelle pas le nom, a une autre faculté. Chaque individu a une faculté. Et cette faculté, avec le temps, deviendra de plus en plus visible, de plus en plus efficace, de plus en plus grande, de plus en plus parfaite, au fur et à mesure que le plan de la programmation de l'évolution supramentale se fera, mais dans des conditions qui sont voilées à ceux qui en sont les porteurs. Moi, je ne peux pas, dans ma condition, rencontrer tout le monde, parler avec tout le monde, avoir de l'entre-gens avec tout le monde, il est évident. Mais j'indiquerai dans le temps des êtres parmi tous ceux que je connais qui auront la faculté de ci et la faculté de ça. Et toute cette faculté fera partie d'une même faculté qui est l'intelligence. Il y a la petite ici qui a une faculté dans le domaine médical et qui deviendra de plus en plus avancée au fur et à mesure que s'enregistrera en elle d'autres vibrations qui fait partie de son évolution future. Nous devons reconnaître, nous devons voir, nous devons apprécier, nous devons pouvoir accepter d'une façon libre, engageante, présente, sans orgueil, sans vanité, sans opposition au niveau de la personnalité, ces êtres, ces individus qui seront indiqués au fur et à mesure, et il y en aura des centaines. Mais le temps ne joue pas dans la faveur de l'homme. Le temps joue dans la faveur de l'évolution, et c'est pour ça que certains individus ont déjà, depuis très longtemps d'ailleurs, avant de me connaître, commencé un travail dans une orientation ou dans une autre. Il y a M. Lévesque qui est en rajustement et réajustement pour atteindre éventuellement une autre vibration qui aussi a une faculté. Mais lorsque ceux-là que j'indiquerai au cours des années, dans les années 80, 84, 87, 91, 95, ces individus qui auront cette faculté seront en connexion vibratoire avec des plans d'énergie qui feront que ces individus deviendront à l'échelle mondiale des chefs, des représentants de la nouvelle école de la conscience supramentale sur la Terre pour faciliter le passage de l'homme d'un plan à un autre. Il y aura des écoles établies dans le monde, mais ces écoles ne seront plus les écoles visibles que nous aurons connues dans le passé. Ce ne seront plus des écoles comme l'homme aura connu dans le passé. Ce seront des sièges d'intelligence préconisés à s'établir à certains endroits dans différentes parties du globe, et le monde, les nations, les individus faisant partie de ces nations iront vers ces concentrations d'écoles. Et ces concentrations d'écoles auront la faculté d'expliquer à l'homme tout ce qui est du domaine de l'expérience, soit dans le domaine de la science ou soit dans le domaine de la psychologie. Mais je ne peux pas et je ne veux pas parler de ces plans avant le temps, parce que les hommes sont encore trop affectés par un matériel qui est corrosif à l'évolution, c'est-à-dire leur ego et leur vanité. Nous sommes, les hommes, à quelque niveau que nous soyons, quelle que soit la nature de notre spiritualité, nous sommes des agents lucifériens. Et l'homme cessera d'être un agent luciférien lorsque l'homme sera dans la lumière. Et lorsque je dis que l'homme est un agent luciférien, je dis que l'homme est porteur des formes qui ont constitué l'évolution. Et que l'homme doit devenir le porteur d'une énergie qu'on appelle la lumière et l'intelligence, qui lui donnera accès à l'évolution et qui lui permettra de créer sur le plan matériel ou sur d'autres plans des conditions d'évolution nouvelles pour l'humanité. Le niveau d'orgueil spirituel est écrasant. Il est écrasant, le niveau d'orgueil spirituel. C'est ce que j'appelle la puanteur sainte. Je n'oserais jamais vous dire les paroles que je reçois dans ma tête. Si vous saviez combien je me moque, de tout ce que représente l'être humain, à quelque niveau que ce soit, jusqu'au niveau des maîtres les plus élevés de la planète. Je m'en moque parce que j'en comprends et j'en connais les conditions essentielles, nécessaires. Mais je m'en moque parce que je sais que demain, l'homme devra sortir totalement de ce qui a constitué par le passé sa réalité psychologique. Si je faisais passer en vous ce que je ressens du réel, vous seriez les premiers à partir. Parce que le ténèbre de la conscience de l'homme ne peut pas absorber, ne peut pas vivre, ne peut pas accepter, ne peut pas supporter l'intelligence, la lumière de l'intelligence, la puissance de l'intelligence, le feu de l'esprit de l'intelligence. L'homme est une mièvre créature du bon Dieu. Et on se promène dans le monde . On reçoit dans le monde des nouvelles, d'autres intelligences qui sont dans les plans d'évolution, et nous avons la mièvre intelligence de croire à ce que nous recevons. C'est incroyable, l'ignorance de l'homme. Et vous avez probablement le privilège le plus contemporain d'être dit précisément ce qui doit être dit. C'est probablement ce qui fera de la province de Québec un centre d'intelligence en évolution plus rapide sur les autres nations du globe. Lorsque je dis à l'homme, je le fais même en public, lorsque je dis à l'homme, nous avons été les hommes enculés par l'intelligence, non pas seulement par l'intelligence des hommes, l'intelligence des hommes c'est la moins dangereuse, mais par l'intelligence des plans qui sous-tendent le réel, les plans spirituels, les mondes parallèles où évoluent des êtres en évolution qui ont eux autres aussi un jour à comprendre et à réintégrer dans la matière pour que se fusionnent les sept plans de la création. Et nous avons la mièvre intelligence de croire ce que nous recevons dans notre mental. Il ne s'agit pas de ne pas croire ce que nous recevons dans notre mental. Il s'agit de ne pas être piégé dans la croyance d'y croire, mais simplement de voir ce qui est dit et de voir si ce qui est dit concorde avec le fait. Et si ça ne concorde pas avec le fait, mais avec le temps, on s'habitue et avec, pardon, le temps, on s'habitue à développer l'intelligence de ce que nous recevons et à détruire l'intelligence de ce qui sert simplement à transformer notre mental et notre émotionnel pour que nous puissions vivre simplement d'énergie. Un homme qui est dans la conscience, un homme qui est conscient, un homme qui est dans l'intelligence, qui est dans la lumière de l'intelligence, n'a pas besoin de savoir quand va se passer telle chose ou telle chose ou telle chose. Parce que dans le mouvement de l'énergie en lui, il le saura. Jusqu'à quel point l'énergie de l'intelligence supramentale désengagera l'ego dans le temps. Vous n'en avez aucune idée. Aucune idée. C'est dans les années qui viennent que vous en connaîtrez et que vous en comprendrez les aspects. Mais dans les années qui viennent, dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous deviendrez intelligent. Et l'intelligence que vous aurez à ce moment-là, ce ne sera plus l'intelligence que vous préconisez aujourd'hui avoir. Je me retire en 84 et je commence à me retirer en 82, à la fin de 82. Je commence à la fin de 82 à diminuer mes activités. Parce que j'aurais dit tout ce que j'avais à dire. Tout. Tout est là. Tout est là dans une mémoire. Si j'essaie de toutes les façons de faire réaliser jusqu'à quel point nous sommes des pions, jusqu'à quel point nous sommes prisonniers de nos bons sentiments, de nos bonnes attitudes, de tout. C'est pour que les gens comprennent la nécessité de vivre de leur volonté et de leur intelligence, mais d'une intelligence qui est en conformité avec leur bien-être matériel et non leur bien-être spirituel. Ça n'existe pas, le bien-être spirituel. Le bien-être spirituel, c'est une autre condition imposée à l'homme, à l'ego de l'homme, par la puissance de la présence de l'âme en lui. Mais l'homme doit détruire cette mémoire un jour pour être dans l'intelligence de l'intelligence. Mais peu d'hommes pourront vivre ce que je dis. Et ceux qui vivront ce que je dis n'auront aucun intérêt à transposer dans un langage quelque peu évangélateur, ce qu'ils sauront. Parce qu'un homme qui est conscient, un homme qui est dans son intelligence, qui est dans sa centricité, n'a aucun intérêt à l'humanité. Aucun intérêt à l'humanité. La seule force qui s'intéresse à l'humanité, c'est l'énergie. Ce n'est pas l'homme. Nous sommes prédisposés à un conditionnement total et absolu des lois de l'évolution. Et seule l'intelligence de l'intelligence peut faire connaître et réaliser à l'homme cette disposition à laquelle nous sommes rattachés et les conditions émotives et intellectuelles qui font de nous des êtres qui sont totalement sans puissance. Je ne parle pas du pouvoir, je parle de la puissance. Il n'y a pas de pouvoir sur le plan matériel, mais il y a de la puissance sur le plan matériel. Et la puissance est la manifestation énergétique de la volonté et de l'intelligence dans l'homme. Lorsque l'homme sera dans le pouvoir, il sera dans un autre plan. Alors, déjà, ne parlez pas de pouvoir. Déjà, nous sommes sans puissance. Et pour que l'homme en arrive un jour à être dans le pouvoir, il faut qu'il en arrive un jour à être dans la puissance. Et être dans la puissance, c'est être dans la centricité, c'est être dans son intelligence, être totalement inconditionné par quoi que ce soit, c'est-à-dire avoir la capacité instantanée de déchirer le voile entre la forme et l'informe, d'être capable instantanément de juger de par lui-même et pour lui-même et selon lui-même les catégories de toutes les expériences qui viennent vers lui pour le rapatriement de ses forces, pour l'exercice éventuel de sa volonté et de son intelligence sur le plan matériel et dans les terres. L'homme ne peut plus côtoyer l'homme. Et je ne le dis pas dans un sens social. Je le dis dans un sens interne, dans un sens psychique, dans un sens intérieur, dans un sens de l'intelligence intérieure. L'homme ne peut plus se permettre de côtoyer l'homme. Très subtil ce que je dis, et déjà les hommes commencent à le comprendre. Il y a des êtres parmi vous qui poindront dans le temps, mais ils ne poindront pas parce qu'ils voudront poindre. Ils poindront parce qu'ils auront l'énergie qui les fera poindre. Le iceberg est supporté par la pression de l'océan. Il ne monte pas par lui-même. Et ces hommes qui seront supportés par l'énergie poindront, et ces hommes deviendront des centres d'intelligence puissants qui permettront à l'humanité, dans un temps où l'homme aura besoin de ces centres, de connaître des écoles dans le monde qui seront de la même intelligence, non pas des écoles qui préconisent une chose et l'autre école qui préconise une chose et l'autre école qui préconise une chose, pour séparer les hommes à cause de leur attachement émotif et mental qui les lie temporellement selon leur tempérament et leur caractère à des formes qui suscitent en eux des mouvements spirituels. Ce seront des écoles, ce seront des centres d'intelligence parfaite où les hommes seront parfaitement en accord avec ce qui sera démontré de par la science future de la psychologie et de la médecine mentale. Si jamais l'intelligence vous dit que vous avez quelque chose à faire dans la vie, ne la croyez pas. Mais sachez que vous avez quelque chose à faire dans la vie. Nuance. Ne la croyez pas parce que si vous la croyez, vous allez vous embourber dans votre intellect, dans votre émotion. Vous allez faire de l'overtime. Vous allez développer une vanité, un orgueil. Mais si l'intelligence vous dit « tu as quelque chose à faire dans la vie », elle sait quand. Et c'est peut-être dans 20 ans que tu as quelque chose à faire dans la vie. En attendant, bois du coke. Prends un break. Je voudrais tracer un tableau que j'ai pas fait auparavant, mais qui est un tableau important. Vous savez, quand une grande masse d'hommes, d'individus sont confrontés avec une façon différente, neuve, de voir les choses, de voir la vie. En général, il y a une tendance, au début de l'expérience, de cette expérience collective, de vouloir vivre d'une façon uniforme, philosophiquement ou psychologiquement. Il se dégage d'un point de vue nouveau, une sorte de parapluie. Puis les gens ont tendance à penser, ça c'est naturel à l'ego, de penser qu'ils doivent vivre sous ce parapluie-là. Puis ça, c'est une attitude foncière de l'ego qui est pernicieuse. Dans ce sens que l'ego, les hommes, les femmes, les couples, ainsi de suite, les hommes, même s'ils sont confrontés dans un temps avec une vision différente de la vie présente ou de la vie à venir, doivent vivre leur vie individuelle, leur vie de couple, leur vie de famille, leur vie, comme ils l'ont toujours vécu. Et ne pas chercher à se placer sous ce parapluie-là. Comme moi, je vous parle, je développe devant vous, pour l'évolution de votre propre intelligence, un tableau. Mais le tableau que je développe, c'est un tableau qui est toujours véhiculé, tracé, par l'utilisation particulière des mots que j'emploie, des termes que j'emploie. Mais les gens qui reçoivent les impressions de ces mots-là doivent vivre leur vie selon le même motif, ou à l'intérieur du même motif, qu'ils l'ont toujours vécu avant. Autrement dit, c'est pas parce que moi, je commence à parler d'une façon autre dans le public, que les gens dans le public doivent vivre leur vie selon la façon dont je parle. Les gens doivent vivre leur vie selon leur propre façon, aidés de ce que je dis. Et là, la pointe que je veux faire. Comprenez-vous, je veux dire? Que les gens vivent leur vie. Chaque homme, chaque femme est un individu, plus ou moins complété. Moi, je parle à l'homme, à l'individu, pour qu'il en arrive un jour à vivre de son identité, et que tous les hommes, que toutes les femmes qui sont en relation avec ce que je dis, en arrivent à développer leur identité, et non en arrivent à s'imprimer de ce que je dis, ou à s'imprimer d'une personnalité qui peut être réfléchie dans les mots. Sans ça, vous perdez votre propre qualité personnelle, vous perdez votre propre individualité, vous perdez votre propre consonance, votre propre couleur, votre propre ce qui est propre à vous-même. Ça, c'est... Il y a deux aspects à ça. Il y a des gens qui viennent me voir et ils me disent ce que tu dis, c'est bien le fun, puis c'est intéressant, papa. Mais moi, il faut que je vive ma vie. Ce qui se passe ici, puis ma vie matérielle, c'est deux choses différentes, mais c'est la même chose. Il y a des individus parmi vous autres qui sont très individualistes, qui sont plus individualistes que d'autres. Et c'est de ces individus-là Ce sont ces individus-là qu'il faut réellement regarder en évolution, observer en évolution et comprendre de par leur individualité et leur mouvement vers leur propre identité que ces individus-là représentent essentiellement ce que l'homme de demain deviendra au fur et à mesure qu'il se désengagera du parapluie. Il y a des gens, l'homme a tendance à être asservi malgré lui-même à une autre personne ou à un personnage qui impose par sa parole une sorte de dictée d'évolution ou une sorte de dictée de conscience. Et ça, c'est pas bon parce que ça empêche ces individus-là de se réaliser dans leur propre formation psychologique. Les gens ne peuvent pas se réaliser dans ma formation psychologique. Les gens doivent se réaliser dans leur formation psychologique, mais aider des outils que je leur donne pour transmuter leur psychologie subjective en une psychologie objective et créative. Je vais prendre Ménard comme exemple. Ménard, c'est un individualiste. Il a toujours été individualiste. On s'est rencontrés, on a jasé, on s'est entendu, j'ai continué à parler, il a saisi ce que je dis, il voit ce que je dis, il comprend ce que je dis, parce que il comprend ce qu'il est. Ce qui lui permet à lui de continuer dans son évolution vers le grand raffinement de la conscience supramentale et de son exposé sur le plan humain qui est la psychologie de la conscience supramentale. Ce qui augmente son pouvoir de compréhension, c'est ce qui augmente en lui la facilité de voir à travers les nuances extraordinaires de cette intelligence. Mais lui, en tant qu'individu allant vers son identité, n'est pas sous mon parapluie. Il n'est pas sous le parapluie que créent mes mots. Il n'est pas sous le parapluie philosophique, si vous voulez, d'une période nouvelle où l'homme doit entendre des choses nouvelles. De sorte que moi, je fonctionne, lui, il fonctionne, puis on fonctionne dans une harmonie suffisamment grande, mais lui ne sent pas cette présence, ce parapluie qui est créé par les mots que j'emploie, ou la philosophie, si vous voulez, que j'exprime, parce que tout devient philosophique pour l'homme quand il l'intègre dans son ego, au niveau du mental. Les gens, c'est bien subtil ce point-là. On dirait que j'ai de la misère à l'expliquer tant que c'est subtil. Quand j'ai de la misère à expliquer quelque chose, c'est parce que c'est difficile de faire passer une certaine énergie. Et quand c'est difficile de faire passer une certaine énergie, c'est parce qu'il y a des choses, il y a des nuances qui ne peuvent être réellement saisies que par l'intention primaire de l'intelligence dans l'homme. Et cette intention primaire de l'intelligence dans l'homme, elle est proportionnelle à l'évolution de chaque individu. Il y a des égos, il y a des individus qui, quelle que soit la puissance de l'intelligence que je canalise, demeureront toujours des individus, découvriront de plus en plus leur identité, mais seront toujours des individus et ne seront jamais capables de même subir la présence ou l'influence d'un parapluie au-dessus de leur tête. Et ça, c'est essentiel et c'est très important. Il y a bien que les gens aiment ma compagnie, que les gens aiment parler avec moi, que les gens aiment s'entretenir avec moi, que les gens aiment vivre de mon entretien avec eux, c'est normal. Mais que les gens subissent l'entretien, que les gens vivent en dessous d'un parapluie, qui est une extrapolation de mon pouvoir de parole, là, c'est plus bon. Là, c'est plus bon. Et dans ces gens qui sont capables de vivre côte à côte avec moi, c'est là que je découvre, bon, le Yougoslave, c'est un exemple. Le Yougoslave, c'est un individu qui va vers son identité et qui n'est aucunement sous un parapluie, qui n'est aucunement sous l'illusion du parapluie qui peut être créé à cause du pouvoir de ma parole. En tant qu'individu allant vers la conscience, on doit être des êtres totalement individualistes, quitte à transmuter l'individualisme avec le temps dans une conscience d'identité qui provient de l'universalité de l'intelligence dans chacun de soi. C'est ça le but de la perméabilité et de la descente de la conscience supramentale sur la Terre. Sinon, on retourne dans les mécanismes de conditionnement de la cinquième race. C'est pour ça que je dis que les sentiments sont dangereux pour l'homme, surtout les sentiments que les gens peuvent diriger envers ma personne. Que je sois bien fait, mais ça c'est une affaire, c'est pas de ma faute. Mais que vous autres, vous donniez du sentiment dans votre vie envers ma personne, il faut que vous fassiez attention parce que ce sentiment-là que vous donnez ne provient pas de votre intelligence. Il provient de votre conditionnement humain. Et ce conditionnement humain ne fait pas partie et ne peut pas faire partie de votre individualité et il crée l'érosion de votre individualité. Il a aimé, il cite, aimé Michaud, ça en est un autre, puis je les pointe, qui conservent totalement leur individualité, qui vont vers leur identité, c'est-à-dire leur propre intelligence, qui ne peuvent et qui ne seraient même pas ici aujourd'hui s'ils avaient senti l'imposition d'un parapluie. Mais il y a des gens qui aiment ça, se mettre en dessous d'un parapluie. Parce que ça les sécurise d'être sous un parapluie. C'est une béquille, un parapluie. Puis je vous avertis, parce que dans un certain temps, moi je vais me retirer, il n'y en aura plus de parapluie. Fait que s'il pleut, vous allez être mouillé en maudit. C'est très important, ça. On doit se côtoyer. On doit socialiser. On doit s'aventurer ensemble dans une plus grande et une plus grande conscience universelle. Dans une plus grande intelligence universelle. Mais on ne peut pas se permettre de perdre notre individualité à cause de ce parapluie qui est créé par une capacité infinie de mettre sur le plan humain, sur le plan intelligence de l'homme, les lois de l'univers. Sans ça, on est fini, on devient des abrutis. Et il se produit un phénomène. Parce que tout est bien compliqué, mais tout est simple. Il se produit un phénomène, c'est que les gens qui sont les moins aptes à vivre sous un parapluie sont souvent les gens qui ne peuvent pas créer de cohésion sociale. Ce sont souvent des gens qui n'ont pas réellement d'entre-gens. Ou s'ils ont de l'entre-gens, c'est un entre-gens qui est fort et qui est en puissance. Et comme l'identité n'est pas totalement résolue, automatiquement, il peut y avoir des problèmes de relations. faut être très libre en soi pour pouvoir avoir de l'entre-gens très libre avec un autre. Mais quand on n'est pas totalement libre en soi, quand l'identité n'est pas totalement établie, que les corps, les principes ne sont pas totalement définis, stabilisés au niveau vibratoire, puis qu'on n'a pas encore la parole juste, à ce moment-là, le problème d'entre-gens peut être difficile, surtout quand tu as des individus qui ne peuvent pas vivre sous un parapluie, parce que le fait qu'ils ne peuvent pas vivre sous un parapluie les prescrivent déjà à une catégorie d'être qui n'ont pas tendance à subir l'influence, à vivre l'influence, ou à vivre une catégorie quelconque de pression que peut créer un parapluie à cause du fait que le parapluie n'est pas totalement, parfaitement compris par l'homme en évolution. L'autre, la petite, c'est un autre, ça, qui... Comment ça s'appelle? Lise Tremblay. C'est un autre qui ne vit pas sous un parapluie. C'est bien subtil, l'affaire du parapluie. Je peux vous en faire un parapluie, moi. C'est normal. Mais c'est à vous autres de vous en dégager du parapluie. Moi, je vous dessine, je vous construis un parapluie pour simplement vous mettre en éventail ce qui doit être réalisé au niveau de la psychologie humaine pour que, éventuellement, l'homme passe d'un stage d'évolution à un autre. Mais vous, en tant qu'individu vivant, dans des conditions humaines, devez avoir suffisamment de caractère intérieur, de force intérieure, d'individualité et d'identité avec le temps pour ne jamais être lié à ce parapluie par sentiment. Sans ça, vous ferez automatiquement défaut devant vous-même.